Salut Donati. Donati, tu joues des accordés maintenant? C'est un peu désaccordé, non? C'était bon, tant pis de Noël. J'aimerais bien voir ce matériel que t'as là. Sont merdiques, t'arrives à faire des trucs géniaux, toi. J'adore ton talent. Capable de jouer du synthé, désaccordé. Toute façon, ma vie a toujours été désaccordée. Et moi, j'aime fréquenter les gens qui sont désaccordés. Je veux pas faire comme tout le monde et rentrer dans la ronde. Je ne veux pas suivre le moule. Non. Allez, chantez tous avec moi. T'imagines dans une salle? Je suis sûr que le public y chanterait un truc comme ça. Je suis sûr que vous allez chanter avec moi la chanson du synthé désaccordé. De toute façon, vous êtes tous bourrés. Parce que dans ces soirées, vous faites que picoler. Vous avez trop fumé. Vous vous rendez même pas compte. Alors allez-y chanter le synthé désaccordé. Voilà, c'était le tube du... Le tube du jour férié. Je l'ai enregistré. De toute façon, je m'en fous. J'avais trop fumé. Mon chat. C'est la chanson. Elle est bien, c'est trop bon ce truc. Siazik qui arrive, alors là. Siazik qui arrive avec ses synthés. Attends, je vais faire deux. 2, 3, 4. Pendant que je jouais du synthé désaccordé, j'ai vu Zig qui rentrait. Complètement bourré. Et je crois bien qu'il a allumé tous ses synthés. Bonsoir Paris. Je vous présente Donati. Un jour, Donati, tu seras à Paris, au casino de Paris, à l'Olympia de Paris, au Zénith de Paris. Ben moi je veux bien écouter Zig. on écoutait la chanson de Zig. Je cherche une réverb, moi, mais elles sont pas terribles, les réverbes de... C'est parti, faut mettre le tempo à 120, d'accord. Allez, c'est parti, Zig, 120, 32, 32, bah c'est bon.